Oui, je lis Platon, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Oui, je suis acteur, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Oui, j'écris 1000 chansons, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Oui, je fais du théâtre, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Car je suis un repucelé. Oui, je suis guitariste, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Oui, je fais du rock, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Oui, je te fais rire, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Oui, je suis plutôt beau gosse, oui, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Car je suis un repucelé. Oui, je suis profond, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Oui, je suis écrivain, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Oui, j'aime le bon vin, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Oui, j'ai une belle bite, mais ça ne m'aidera pas à coucher avec toi. Car je suis un repucelé.